Ils se sont trompés des cibles. Maman Jolio, très élégante. A Pagona, Ataka, non mais Pagona, Vidi, A Pagona, Ataka, non mais Pagona, Vidi, Yeke Kali, Chiboule, Boko, Woule, cimetière, pas de couloir, la nuit porte, Keno, Keno, ta parrain, tu veux lancer. Gota Junior, A Pagona, Mama Kikis, non mais Pagona, Priska Nipri, A Pagona, Ataka, non mais Pagona, c'est mon pays, yo. À bout de bandits de Kabongo, les Golas sont dangereuses, que Dieu nous tend vient de brousse, ça c'est pas normal. Maman Jolio, très capricieuse. Lélélélé, A Pagona, Ataka, non mais Pagona, JCOT, Douma, A Pagona, pas de couloir, la nuit porte Keno Keno. Ta parrain, tu veux lancer. Souvent, Moses le pharaon. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Beaucoup savé, beaucoup savé, beaucoup savé. Titi Mati, Aleti. Zokozabita, Zokozabita, Zokozabi, Mama. Dino. Maman Marie, bénis l'enfant. Maman Marie, bénis le monde. Chapeléa, chapeléa, chapeléa. Zokozabita, Zokozabita, Zokozabi, maman. Julien Coulanger. Maman Marie, bénis l'enfant. Maman Marie, bénis le monde. Pedia Pedrazini. A Pagona. Pagona, Ataka, Pagona.